Tu ne peux que monter haut. Et tu montes toujours au créneau. Pour un des tiens s'il le faut. Tu tuerais pour ta mère, crèverais pour un frérot. Ou même pour un passant, dans son jour de malchance. Même le moral à zéro, pas du genre à tourner le dos. Et t'as de la patience, depuis longtemps t'attends ta chance. Comme tout le monde, sans jamais te dire qu'ils nous prennent pour des cons. Non. Ton cœur bat, des fois amoureux. Tu ne pleures pas, quand c'est douloureux. Tu vois que l'heure passe. Et c'est bien frère, tu ne leur pas. Ça se voit que c'est sincère quand tu fais tout pour eux. T'as des principes, des valeurs, des malheurs. Tu résistes, t'es précis dans les manœuvres. Mais t'hésites de plus en plus comme ton degré de méfiance. Pour toi, faut se rendre à l'évidence. Dans ce monde, un cœur en or fait pas de lingots. Mais dis pas que tu le sais pas, au pire tu le verras bientôt. Dans les cœurs c'est la précarité. Fais-toi l'idée, pas de solidarité. Personne ne t'aime gros. Dans ce monde, un cœur en or fait pas de lingots. Mais dis pas que tu le sais pas, au pire tu le verras bientôt. Dans les cœurs, c'est la précarité. Fais-toi l'idée, pas de solidarité. Personne ne t'aime. L'amour te fait pousser des alignes, te fait pousser des couilles. Ça fait que rouler des années à force de tout, c'était tout. T'avances, manche retroussée, tu penses qu'à rebrousser. Dis-toi que chercher l'amnésie ne fait que repousser tes doutes. Un sourire ça vaut rien, facile à dire, personne ne le pratique. En fait inestimable son tarif, j'en suis quelque chose quand je lâche rarement le mien. Car souvent une belle journée cache un sale lendemain. On se demande comment on tient, pas comment on va tenir. Y'a tout qui défile rapidement, pas le temps de penser à l'avenir. Tu vois où je veux en venir. On veut s'accrocher, mais on manque de prise. On tente le pire avant de raccrocher. Allez-y, approchez, admirez les bêtes de foire. On perd la tête, je crois, quand on se met bête le soir. On peut me reprocher de trop avoir les pieds sur terre. Mais je le fais seul quand je me lève avec la gueule de bois. Dans ce monde, un cœur en or fait pas de lingots. Mais j'y bats que tu sais pas, au pire tu verras bientôt. Dans les cœurs c'est la précarité. Fais-toi l'idée, pas de solidarité. Alors maintenant tu comprends mieux. T'es content de voir quelqu'un partir aux yeux. S'il y avait contentieux, t'es pas des plus chanceux. Inquiet, tu veux tout entier. T'as compris que partager c'est coupé en deux. On t'a jamais rendu ta monnaie ni ton dû. La fraternité et toi n'êtes qu'une amitié rompue. T'as perdu du monde en route sans forcément que le sang coule. L'absence, le vide, le manque, on le ressent tous. Dans ce monde, un cœur en or fait pas de lingots. Dis pas que tu le sais pas, au pire tu le verras bientôt. Dans les cœurs c'est la précarité. Fais-toi l'idée, pas de solidarité. Personne ne t'aime. Dans ce monde, un cœur en or fait pas de lingots. Dis pas que tu le sais pas, au pire tu le verras bientôt. Dans ce monde, un cœur en or fait pas de lingots. Tu le verras bientôt. Personne ne t'aime. Dans ce monde, un cœur en or fait pas de lingots. Dis pas que tu le sais pas, au pire tu le verras bientôt. Dans les cœurs c'est la précarité. Fais-toi l'idée, pas de solidarité. Personne ne t'aime. Dans ce monde, un cœur en or fait pas de lingots. Dis pas que tu sais pas, au pire tu verras bientôt. Dans les cœurs c'est la précarité. Fais-toi l'idée, pas de solidarité. Personne ne t'aime.